FrenchPod.com. 45. Je ne comprends pas comment tu peux aimer le tennis. Chut, tais-toi, ce point est important. Vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Depuis 3 heures. C'est bientôt fini, c'est la balle de match. La quoi? Ça veut dire que le petit mignon va gagner.